Émile Zola, Au bonheur des dames. Alors, c'est seulement le. Donc, ça doit être le deuxième livre de Zola que je lis après Germinal. Bon, de prime abord, on pourrait croire que c'est un peu une ambiance contraire, avec une sorte de frivolité, les grands magasins naissants à la place des mines du Nord. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le même univers. Seulement, tout de suite, on a une critique magnifique de l'économie et mieux encore de ce que ça induit sur le plan humain. C'est finalement l'humanisme qui est en jeu, l'humanisme de la société. Et ça c'est tout de suite perceptible. C'est pas l'économie pour l'économie, c'est oui pour l'homme. Bon, finalement c'est normal. Économie au service des hommes. Enfin, donc l'histoire, je ferai des réflexions au fur et à mesure. Donc l'histoire, c'est une femme qui une Normande, qui est toute jeune, hein, qui a une vingtaine d'années, qui arrive de Valogne. Valogne, ça me dit quelque chose uniquement. Je crois que dans le jour le plus long, il y a Valogne. Je crois. Enfin, donc, cette femme donc arrive, cette très jeune femme arrive avec ses deux frères, Jean et Pépé. Alors Jean, c'est un adolescent qui a 16 ans. Pépé, c'est un petit garçon qui doit avoir 4 ans. Ils sont orphelins, tous les trois. Elle travaillait dans le magasin de ses parents, mais elle a tout perdu. Je me souviens plus des détails, mais c'est pas très important. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle a écrit à son oncle de Paris, qui avait une boutique. Elle lui a écrit. Enfin non, il était au courant de la mort donc de son. Alors je sais pas si c'est le frère, c'était le père ou bon. Enfin, il était au courant qu'ils étaient tout seuls. Et à l'époque, il lui avait écrit pour lui dire de venir à Paris. Elle ne le connaît pas. Ils ne se sont jamais vus. Et elle a fini par le faire, parce que poussée par la nécessité. Mais elle est venue s'en prévenir. Débarque. Alors c'est une jeune femme fantastique, hein, très pleine de grands sentiments, mais surtout un grand sérieux, une grande morale. Voilà. Alors, donc elle arrive à Paris. Et là, tout de suite, elle va à la boutique de son oncle. Et là, elle voit en face un grand magasin. À ce moment-là, il n'est pas encore très grand. Mais il devait grossir encore. Enfin, pas encore très grand. Il est déjà 10 fois plus grand que la boutique de son oncle. Donc elle débarque chez l'oncle, ambiance très terne, tout est noir, il n'y a pas d'éclairage ou pas assez, enfin bon. Et donc chez l'oncle, il y a donc sa femme. Alors l'oncle, c'est un homme assez fort, plein de certitudes, mais déjà ébranlé par la concurrence du grand magasin. Sa femme, donc plus discrète, qui plutôt le profil c'est de souffrir en silence. Leur fille, Geneviève, je crois, qui une femme assez mince, très menue. L'héroïne aussi, hein, est menue. Denise, elle s'appelle. Denise est très menue aussi, mais elle fait plus maladive. Ensuite il y a, alors j'ai oublié son nom. Il y a un garçon qui travaille pour eux, qui est le futur époux de la fille. C'est le commis, quoi, mais le commis en chef, hein. numéro, le bras droit du patron. C'est le bon gars, c'est le bon gars. Qui sait ce qu'il va gagner en restant là, hein. Une situation. Bon. Et puis une femme, mais enfin, bon. ça va ensemble tout ça, il en est bien conscient. C'est pas l'amour, quoi. Seulement voilà, le mariage est toujours repoussé. Et repoussé par le père, qui veut pas donner sa fille en mariage à son promis, alors que les affaires vont mal. Parce que... comme les affaires vont mal, il se sent pas, par fierté, il veut pas donner une affaire qui va pas tout à fait aussi bien que lorsqu'il en a hérité, lui. Lui aussi, il était venu, je crois, sans rien, à la capitale, et je crois que c'était la femme de... C'est la famille de sa femme qui avait la boutique. Et il a eu tout, lui, la femme et la boutique. Et donc, d'une certaine manière, il veut faire pareil, mais... en laissant sa boutique à sa fille et surtout au fiancé, mais tout en laissant dans un bon état. Donc, ensuite, alors elle arrive dans cet univers où il y a déjà une énorme animosité contre ce le, alors c'est finalement moins le directeur que le magasin lui-même qui est critiqué ou qui est plutôt honni, mais on critique le commerce, quoi. Alors pourquoi on critique? Parce qu'il joue pas le jeu, tout simplement. Alors il joue pas le jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que tout est remis en cause. Toutes les vieilles règles qui n'en étaient pas finalement. Qui étaient plutôt des modus vivendi tacites du commerce. Et ben tout ça c'est mis à bas par le bonheur des dames. On l'appelle le bonheur souvent d'ailleurs. Ah, au bonheur. Et donc voilà, tout ça c'est complètement parce que ils font des marges très faibles. Ils jouent sur les quantités. Ils s'assurent des exclusivités avec les producteurs. En promettant du volume, ils eux-mêmes font baisser les prix des producteurs en imposant leurs prix. Donc on imagine bien à l'arrivée l'écart entre des marges faibles, des prix qu'on a fait baisser, des exclusivités. C'est intenable pour le petit commerce. Donc voilà en gros la situation. Et puis après il y a une certaine idée du modernisme, c'est-à-dire que ils font pas ça comme il faut. On prend des gens n'importe qui, ils savent pas, ils connaissent pas le métier, les vendeurs. Enfin bon, ça c'est ce qu'ils disent, mais c'est vrai que ils sont moins spécialistes que des gens qui ont fait ça toute leur vie. Là, au bonheur, les gens valsent. On engage des gens, on en vire. Tous les étés, comme il y a, c'est la saison creuse, on vire un tiers du personnel. Je dis ça à peu près, c'est à la louche. Et qu'on rembauche à l'automne, quand les affaires reprennent. Enfin, qu'on rembauche, on rembauche ou qu'on rembauche pas d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est des nouveaux, donc ça tourne. Donc c'est finalement le terme précarité, tellement à la mode aujourd'hui, qui décrit bien la situation. Enfin bon, pour les vendeurs. Du coup, voilà un peu la. Ça fait partie des choses qui reprochent au bonheur. Et puis, leurs produits aussi. Quelque part, pour certains produits, pas tous, hein, ils font aussi du luxe, mais pour certains produits, on est tout à fait dans la quantité. On commence à avoir une qualité douteuse pour certains. Ils font quand même des produits à bas prix. Pour attirer les dames les moins riches. Il y a des termes intéressants d'ailleurs, je me souviens plus bien, mais voilà, oui, il y a les ménagères, les dames, et ça c'est les ménagères, les dames, les les têtes nues et les têtes à chapeau. C'est très, là, on sent le. Bon, moi, je. C'est une évidence. C'est une évidence pour quelqu'un de l'époque. Pour moi, c'est une description intéressante de description sociale d'un groupe, de dire que voilà, il y a les femmes nues, les femmes qui vont tête nue et les femmes qui ont des chapeaux. C'est quand même marrant. Ensuite, puis la critique tout simplement parce que ils sentent qu'ils sont en train de mourir. Alors, mais ils perdent pas espoir. Ils se disent que non, ça c'est. Ils vont pouvoir remonter la pente. Que ça va pas rester toujours comme ça. Qu'un jour, ils vont réussir. Que. Voilà. Qu'un jour, que les gens vont comprendre. Que c'est. Pour eux, c'est un feu de paille. Voilà. C'est sans doute ça qui décrit le mieux. Un feu de paille. Un drôle de feu de paille en vérité. Mais c'est un peu la situation. Alors, donc Denise arrive là-dedans. Elle croise dans la rue alors un homme devant. Et en fait, elle ne sait pas, mais c'est le directeur du magasin. Elle ressent tout de suite de la peur. Lui la remarque. À la fois. Avec une sorte de dédain d'homme riche devant cette femme manifestement pauvre, qui ne sait rien de la vie, qui a plus d'une décennie de moins que lui. Bon. Mais il la remarque et il est intrigué, il est intéressé. Alors ensuite, elle, au départ, son oncle lui dit qu'il aimerait bien la faire travailler, mais malheureusement, il n'est plus en état d'embaucher quelqu'un. Donc c'est tout de suite un problème. Elle vit d'abord au magasin quand même, et puis finalement il essaye de la placer chez un autre commerçant, mais là non plus ça marche pas. Ils sont tous en train de souffrir, quoi. Donc pour finir, elle se retrouve, on lui dit qu'il y a une place au Bonheur des Dames. Et là, tous les commerçants lui disent, mais non, mais. Enfin, tous. En tout cas, son oncle. Il dit, mais tu as le droit d'y aller, tu as le droit d'y aller, c'est ton droit. Bon. Il sent bien que c'est sa vie qui est en jeu, quoi. Que de toute façon, eux-mêmes se sentent coupables de ne pas pouvoir lui donner de travail. Donc, c'est déjà ça si elle peut y aller. Mais bon, c'est la rage au cœur. Hein. Elle sent bien que c'est pas. Elle hésite, mais bon, elle n'a pas le choix, elle y va. Et elle commence à travailler. Bah, elle commence par le niveau le plus bas, quoi, hein, donc la petite vendeuse. Alors ça se passe mal. Ça se passe mal parce que. Alors, comment ça se passe? Oui, elle va voir. Elle va au. Elle va, elle se retrouve à un rayon où finalement, on lui dit de. On commence à l'interroger, donc c'est Aurélie. La première, alors il y a la première, la seconde et puis les vendeuses de base. La première, donc c'est la première vendeuse. Voilà. Donc il dirige le rayon. Donc Madame Aurélie, une grosse femme sûre d'elle, etc., qui commence à lui poser des questions. Mais Octave Mouret, donc le directeur du magasin, passe par là, à ce moment. Et donc il comprend que c'est la nièce du commerçant d'en face. Baudu s'appelle. Ou alors il comprend de toute façon que c'est qu'elle a travaillé aussi à Valogne dans une boutique. Et donc qu'elle connaît le métier malgré tout. Alors je crois qu'il va jusqu'à dire que c'est une bonne maison. Je sais pas s'il la connaissait vraiment, cette maison de Normandie, on n'en parle plus beaucoup, donc on. Difficile de savoir. En tout cas, vous savez ce que c'est, hein. Madame Aurélie, qui veut faire plaisir au patron, ben elle l'embauche. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça tourne tout de suite assez mal. elle est tout de suite. C'est un système où le nouveau est toujours malmené par les autres. Un peu le système du bizutage, ou du moins. Donc on lui prend les clientes. Du coup, elle est misérable. Et comme au début, elle n'a aucun salaire fixe, tout est du temps pour cent. TANT, plus loin POUR, plus loin CENT. Pourcentage, quoi. Mais on ne dit pas un pourcentage chez Zola, on dit un temps pour cent. Tu as pris, tu as, il a gagné un temps pour cent. Combien as-tu comme temps de temps pour cent? C'est intéressant. J'aime bien ce vocabulaire. Côté désuet. Voilà. Donc, elle souffre là beaucoup. Alors, elle dort dans une mansarde. Chaque vendeuse a une toute petite mansarde, toute fine, toute étroite, toute petite, et surtout très froide l'hiver, sous les toits. Donc, elle a rien et tout. Et elle doit en plus subvenir aux besoins de le plus petit frère, donc, qui doit placer chez une dame qui l'élève. Et elle doit aussi subvenir aux folies amoureuses de son plus frère moins jeune, là, l'adolescent, qui a des histoires de femmes tout le temps. Il paraît que c'est un très beau gosse, qui a un visage de femme. Mais il ne peut pas s'empêcher de se mettre dans des situations pas possibles et à chaque fois ça se termine à tu l'as eu ma femme, tu as eu ma soeur, tu. Ben maintenant, soit tu payes, soit on te tue. Voilà, en gros. Donc, à chaque fois, c'est sa sœur qui doit donner le peu qu'elle a, et donc elle est vraiment mal, quoi. Bon, elle a de l'aide d'une amie, Pauline, qui l'aide un peu. Bon, il y a aussi un certain Deloche, qui est un gars qui est amoureux d'elle, mais c'est le grand gars, pas beau, pas intelligent, mais gentil. Qui d'ailleurs lui fait une déclaration, puis elle refuse parce qu'elle l'aime pas. Elle a une faiblesse pour un certain Hutin, un vendeur très ambitieux, très mauvais, mais elle a mal interprété un sourire très ironique de sa part, et elle a cru que c'était de la sympathie. Donc au début, elle lui a voué une certaine affection, et avant de comprendre. Donc Hutin, il y a un nom, on les connaît tous, hein, il y a une Clara, qui est très méchante, qui deviendra la maîtresse de Mouret, donc, hein, Octave Mouret, le directeur. Donc il y a cette Clara qui est très méchante, il y a Marguerite qui est un peu inféodée à Clara, mais qui, elle, changera. Parce qu'au fond, elle n'était pas si mauvaise, donc elle suivait un peu le mouvement. Chez les hommes, il y a Favier, Hutin, donc Favier, donc c'est les sous-Hutins. Ensuite, il y a celui qui est au-dessus de Favier, de Hutin, qui veut dégager. Alors, il y a des histoires de terribles ambitions. Il y a un certain L'Homme, le mari de Madame Aurélie, qui gagne 3 fois moins qu'elle. Ça, c'est hyper impressionnant à l'époque, manifestement. Qui compte les billets, il a perdu un bras, il adore jouer de la musique. Enfin, c'est un personnage, on le voit peu, mais enfin. Il y a aussi, surtout, Bourdoncle. Alors, Bourdoncle, on va dire que c'est le numéro 2 du magasin. Il fait partie de la toute équipe, fine équipe rapprochée. Parmi les plus proches, ouais, les plus puissants du magasin. Sans doute le numéro 2. Et lui, il connaît très bien son patron. Et donc le Bourdoncle, il était un peu plus brillant que lui en termes purement intellectuels. On pensait que c'est lui qui aurait la place, mais je sais plus comment ça s'est passé au départ. Mais en tout cas, Mouret tient le magasin de sa femme. C'était elle qui avait fait le magasin. Donc ils ont. Mais elle est morte. Elle est morte dans les fondations. Il y aurait eu un accident. Une histoire qui court, quoi. Et donc une malédiction. Le magasin, il repose sur le cadavre de sa femme. Bon, certains diraient même qu'il l'aurait tué lui-même. Bon, enfin, ça c'est faux. Bon, ça c'est du côté du magasin. Ensuite, le monde de Mouret, on le voit un peu, c'est assez intéressant. Lui, il navigue donc dans des sphères différentes. Notamment, il y a une certaine Madame Desforges. J'ai oublié son nom, son prénom. Henriette. Donc c'est une belle dame, mais qui a 10 ans de plus que Mouret, qui a une jeune quarantaine, donc une vingtaine d'années de plus que Henriette, et qui est amoureuse de Mouret, et qui est la maîtresse de Mouret. Elle est veuve, très riche. Enfin, elle est riche, quoi. Et donc, ils ont une liaison. Alors, après, c'est un peu, là, c'est chose surréaliste pour nous. L'ancien amant, enfin, l'amant d'Henriette, c'était le baron Altman, Hartmann ou Altman, originaire d'Alsace, un Alsacien, avec un nom comme ça. Et donc, c'était celui qui avait conseillé le jeune couple, donc Henriette et son mari, et qui leur avait d'une certaine manière permis d'être riche en conseillant financièrement le couple, notamment Henriette, en gagnant ses faveurs. Alors je ne sais pas si elle était devenue sa maîtresse alors qu'elle était encore avec son mari, s'il était encore vivant, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ensuite ils ont été amants, et ensuite elle est devenue amante de Mouret. Mais tout ça se fait. Alors c'est un vieux, hein, le baron. Là, elle se paye un jeune, en gros, mais maintenant qu'elle a la richesse. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on sait pas bien. Enfin, si, on sait bien, mais c'est terrible parce que personne n'est dupe. L'important, c'est de sauver les apparences. C'est-à-dire que officiellement, tout le monde sait, enfin, officieusement, tout le monde sait qu'Henriette était avec le baron, qu'elle est maintenant avec Mouret. Mais officiellement, personne ne dit rien sur rien et les apparences sont sauves, même devant les amis qui savent. Donc c'est assez amusant. Ensuite, Mouret, on pense qu'il s'est rapproché d'elle uniquement. Alors, il était flatté aussi hein, d'avoir affaire à cette dame qui était de la haute société. Lui, il venait pas d'aussi haut. Hein. J'ai pas encore lu les premiers Rougon-Macquart, donc je ne sais pas, mais je crois bien qu'il n'est pas d'une famille aussi riche. Mais lui, c'est un homme d'affaires, par contre. Hein. Alors, donc, il est avec cette dame. Parce qu'il est flatté, parce qu'elle est charmante quand même. Et puis aussi parce que, très vite, grâce à elle, il peut se rapprocher du baron. Lui aussi, il sait que le baron, c'était l'ancien amant. Et le baron est très intelligent, il sait qui est l'autre, etc. Bon. Mais il acceptera quand même d'aider un peu Mouret à se développer. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe alors là? Donc il y a l'histoire de Denise qui souffre énormément. Qui souffre parce que elle a toujours pas fait sa place finalement dans le magasin. Et finalement, elle est renvoyée. À chaque fois, Mouret l'a sauvée. Mais finalement, à un moment, Bourdoncle l'a pris le dessus et a obtenu le renvoi de Denise quand Mouret avait le dos tourné, si on veut dire. Eux, ils se voient très peu, Denise et Mouret, ils sont croisés deux, trois fois. Une fois, il l'a croisée dans Paris, il a marché avec elle au jardin de je sais pas quoi, dans un jardin, les Tuileries, je crois. Donc, bon, c'est. Il la connaît pas très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, elle est renvoyée. Là, elle trouve une petite chambre en face de chez Baudu, qui ne lui parle plus finalement quand même. Au début, il avait réussi à lui dire, mais vas-y, on t'en voudra pas si tu travailles là-bas, mais après, on lui parlait plus quand même. Hein. On n'a pas supporté. C'était trop dur. Surtout qu'eux ont une situation qui continue irrésistiblement à se dégrader. Donc impossible de. Enfin, en tout cas, ils peuvent plus faire la part des choses. Et donc elle se retrouve chez. Alors j'ai oublié le père Bourras. J'ai la faiblesse de penser que vu qu'il lui ressemble, c'est comme le père Fouras de Fort Boyard. Enfin, ça c'est une référence hautement culturelle, mais je crois que ça vient de là, le père Bourras cette fois. Les cheveux blancs, hirsutes, le vieux un peu fou. Lui, il fait des cannes de parapluie, il fait des parapluies. Il travaille le bois avec son. Il peut faire des cannes superbes, des manches de cannes, et des sculptes. Et lui aussi, il souffre. Il a les reins un peu plus solides au départ. Alors lui, il n'est pas en face, il est à côté, juste le long. Ce qui lui vaudra de se faire proposer des sommes et des sommes incroyables jusqu'à ce que finalement le bonheur des dames l'avale. Mais bon, il aura fallu du temps. Elle va vivre chez lui. Ah ben, elle paye sa chambre, quoi. Elle loue une chambre, une toute petite chambre sordide que lui-même ne veut pas lui louer au départ parce qu'il estime qu'elle est trop bien pour ça, sauf qu'elle a pas le sou, donc elle a pas vraiment le choix. Bref, une situation difficile. Là, elle est vraiment au fond, hein. À un moment, alors qu'elle a plus les moyens de mettre Pépé chez la dame qui s'en occupait, du coup, elle le récupère, mais elle n'arrive plus à manger, elle a plus de quoi manger, donc même Pépé, il devient malade. Et là, Bourras vient lui dire « Personne va mourir sous mon toit. » Et hop, il lui offre un emploi, alors qu'il n'en avait pas besoin. Donc un homme merveilleux, vraiment un beau personnage, très beau. Et puis intelligent, en plus. Et puis ils vivent là pendant quelques mois. Lui, avec ses réserves, il peut tenir, mais... Et il permet à Denise de vivoter, et puis de continuer à élever Pépé. Et puis Pépé et Bourras s'entendent bien aussi, s'occupent de lui. C'est quelqu'un qui aime les enfants, enfin, c'est merveilleux, quoi. Enfin, c'est merveilleux, sauf que ça peut pas durer éternellement, cette situation, pour des raisons économiques. Ensuite, il y a une opportunité pour elle de travailler chez un mec qui a été viré de chez Le Bonheur, qui a monté son propre magasin, soutenu par les banques, les petits banquiers, les petits investisseurs qui veulent lutter contre ce bonheur, qui les écrase eux aussi d'une certaine manière. Donc une sorte d'alliance, là, une sainte alliance de créer un nouveau magasin. Voilà. J'ai oublié son nom d'ailleurs à celle-là. Bon, je vais en parler tout de suite. Au bout de bien plus tard dans le livre, il tentera de se suicider sous un omnibus, et puis l'omnibus fera un écart, il ratera son cou et lui cassera une jambe. Il lui écrasera la jambe, enfin, bref, mais enfin bon, a priori il s'en sort avec une jambe cassée. Et puis voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que ils vont devoir lâcher bien sûr le commerce qu'ils avaient eu tant de mal à monter. Et puis repartir ailleurs, retenter. Donc, Denise donc travaille. Alors, comme j'ai dit, hein, Bonheur des Dames, elle est virée. Ensuite, elle va chez Bourras. Elle travaille un certain temps. Ensuite, elle va chez l'autre, là, celui dont je viens de parler, qui a créé le nouveau magasin, le Transfuge. Ok. Et puis, donc, lui, il peut plus tenir. Et puis, je crois bien. Alors, comment ça se passe? Elle retourne au Bonheur. Mais en fait, c'est Mourel qui lui fait une offre. Il lui propose de revenir. Donc elle y retourne. Mais je ne sais plus exactement comment ça se passe. Mais là, tout est différent. Parce qu'elle a tellement le soutien du patron que tout à coup, tout le monde se met à ses pieds. Et puis, elle est douée, en fait. Si on lui laisse la chance, elle est douée. Et donc elle réussit de mieux en mieux. Du coup... il la met deuxième vendeuse, et puis finalement il la mettra première vendeuse. Dans le même temps, les affaires vont de plus en plus mal pour son oncle. Et puis alors le comble du comble, c'est que le premier commis, qui était amoureux de Clara, lui quitte tout, parce que de toute façon il sent qu'il a plus rien à hériter du point de vue commercial. Comme il n'était pas amoureux de la fille, ben, il n'a aucun souci pour le faire et il s'en va. Donc ça le met par terre, l'oncle, mais pire que tout, la fille, elle qui était en mauvaise santé parce qu'elle avait bien compris en fait qu'il était amoureux d'une fille du Bonheur des Dames, elle le savait, et lui il n'y pouvait rien, et donc bref, l'horreur quoi. Du coup, Elle se laisse mourir, enfin elle meurt petit à petit, et donc Denise va la voir à la fin. Et réconciliation avec Baudu, mais bon, autour du cadavre de la fille. Il y a l'enterrement, bon, atroce. Ensuite, rapidement, c'est sa femme qui meurt à Baudu. Ensuite, Denise essaye d'aller le sauver, lui dit, écoute, arrête tout ça, et viens travailler au bonheur. Et puis lui, il la regarde, mais enfin, ça va pas. Tu te rends pas compte. Mais avec tellement de... Ouais, on sent que là, c'est une grande finesse psychologique. On imagine tout ce qu'il y a derrière, quoi. Et puis, donc, il refuse et il finira dans une maison de vieux, en fait, hein, une fois qu'il aura tout perdu. Bourras, lui, pareil, donc le bonheur finira par réussir à racheter sa location, du coup, son bail, et hop, il se retrouvera dehors. Il partira avec sa petite somme, alors qu'on lui proposait... une somme gigantesque. Il partira avec sa petite somme, pareil, refusant l'aide de Denise et les conseils de... pendant ce temps-là, elle refuse les avances de Mouret qui sont de plus en plus directes. Puis alors il y va un peu comme avec les putes, quoi, hein. Il propose de l'argent, comme il a fait toujours avec toutes les femmes, sauf, enfin, en tout cas les femmes du magasin, dès qu'il avait envie d'une femme. Avec les femmes de petite vie, alors que de l'autre côté, avec Henriette, c'est différent. Et elle dit non, parce que c'est simple, elle l'aime en fait. Elle a compris que la peur qu'elle avait ressentie au début, c'était de l'amour. Du coup, finalement, c'était bien un coup de foudre. Et là, on comprend à quel point Zola est finalement un grand romantique, parce que c'est finalement une suite de coups de foudre, hein, tout ça. Alors, il y a aussi des amours calculés, mais finalement, il n'en souligne que plus le véritable amour. Par contraste, c'est encore plus clair. Alors elle refuse. Henriette devine qu'il est amoureux d'elle. Tout se sait, hein, de toute façon. Donc elle devine et elle est omnubilée par ça et elle veut détruire. Enfin, d'abord elle veut savoir qui c'est et ensuite elle veut détruire détruire le Denise. Alors il y a des scènes, il y a une scène fantastique où alors Henriette Desforges reçoit des amis chez elle, dont Mouret, et elle fait venir Denise pour retoucher un manteau, soi-disant. Denise vient et Henriette, qui est avec les amis, l'a fait attendre volontairement, debout dans le hall. Enfin, debout, c'est elle qui choisit de rester debout. Et Mouret le voit, et il se fout. Il commence à être mal parce qu'il sent bien. Il commence à comprendre la situation. Finalement, Henriette y va. Bien sûr, elle est mécontente de tout ce que fait Denise. Elle essaye de la faire souffrir au maximum. Denise, fidèle à son caractère, elle est parfaite, donc elle bronche pas, elle essaye de rester très calme, etc. Finalement, réussit à faire venir Mouret dans sa chambre au moment de l'essayage. Là, elle montre ostensiblement que c'est la maîtresse de Mouret, ce qui est choquant, c'est ça qui est amusant, après tout ça. Après tout ce qui se passe, c'est un moindre mal que de montrer les faits. Mais non, ça se fait pas, et c'est un manque de tact pas possible, quoi. Denise, déjà, elle souffre énormément, parce que, bon... Elle aime Mouret, quand même. Même si elle a rien dit, rien fait, rien... Mouret, lui, il est au supplice, parce qu'il aime Denise, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Sauf que Henriette la met tellement à bout que Henriette, elle abat son dernier atout. Elle oblige Mouret à choisir, en fait, hein, à choisir entre Denise et elle. Et là, Mouret, il tourne vers Denise et il lui dit « Je suis désolé, va-t'en de cette maison, tu sais ce que je pense de toi. » Enfin, sous-entendu, il lui avait déjà dit qu'il l'aimait, donc voilà en gros. Alors, là... Henriette est dans une rage folle et elle dit à Moret, mais alors, c'est donc cette femme que tu aimes? Et lui répond simplement oui. Il retourne au salon, il souffre. Elle s'effondre dans la chambre. Là, il y a un ami, alors je ne peux pas parler de toutes les histoires, il y en a trop, hein, c'est riche quand même, 500 pages. Il y a un ami de Mouret qui lui fait la morale parce que c'était le blasé, là, qui est lassé de tout, qui rigole quand Mouret, il fait des affaires, tout ça, rien n'a d'importance. Bon. Mais bon, il n'arrive pas à faire de fric non plus, alors on ne sait pas trop si c'est un frustré, un blasé, tout ça. Enfin, il se moque un peu de Mouret, puis Mouret lui dit, mais je m'en fous, je souffre, c'est vrai, mais je préfère mille fois cette souffrance-là que ta non-vie. Je préfère ma vie, parfois douloureuse. Et même là encore, c'est au fond, si je suis honnête, c'est encore du plaisir. Voilà en gros le discours qu'il y tient. C'est assez beau ce passage. Alors, donc, Mouret commence à être frustré. Alors, il y a des descriptions interminables sur la beauté du grand magasin. Alors, ça, c'est un peu long parce que il y a des tas de pièces d'articles que dont je ne connais même pas les noms là, dont il parle. Je ne sais même pas à quoi ça fait référence. Des caracos et des machins et des dentelles de trucs et puis des. Pouf! En plus, hein. Bref, bon, c'est pas grave, ça, c'est pas gênant. Quand on est un petit peu patient, ça va. Alors, donc Denise continue à se refuser à Moret. Elle sous-entend à un moment, je crois qu'elle sous-entend que de toute façon, avec la vie qu'il mène, elle partage pas quoi. Hein, mais ça se passe, c'est pas aussi clair. Mais enfin, en gros, il comprend que il a pas le profil quoi. Il n'a pas le profil du point de vue du raisonnable. Par contre, elle l'aime, mais bon. Et donc, lui, il est dans une rage pas possible. Il fait la vie à un moment, donc il sort à fond et tout. Et puis, après, je sais plus le déclencheur, mais il finit par tout arrêter, au contraire. Hein. Il sort avec plus personne et il s'est amendé, quoi. Il s'est repris, enfin bref. Voilà, donc là, on en est un peu là. Denise, elle est au fait de sa gloire. Alors dans le magasin là, le système du magasin est bien décrit, c'est atroce les histoires de à quel point l'ambition des gens est décuplée grâce à des systèmes. On se croirait aujourd'hui quoi. D'abord intéresser les vendeurs, hein, bon ça se faisait sans doute, mais là ça c'est d'une façon encore plus ostentatoire. Et puis donc on excite la jalousie de tout le monde, l'ambition de chacun, et finalement ils se tuent entre eux, ils font des complots pour faire tomber celui d'au-dessus. Et là, du jour au lendemain, on leur dit passez à la caisse. Hein, il y a une violence là, une violence sociale là, qui est bien dénoncée par Zola. Ils vivent tous dans cette peur, et voilà. Alors il y a l'effort. Hein, finalement, il y a l'effort et les faibles, quoi. Hein, c'est toujours pareil. Là, on sent bien la différence. T'as l'effort qui joue le jeu à mort. Même quand finalement ils sont envoyés à la caisse, ils retombent sur leurs pattes parce que ils savent très bien où ils en sont. Et puis t'as les faibles qui souffrent, quoi. Et puis entre les deux, t'as Denise qui est à la fois faible et forte parce que finalement, elle arrive bien à faire tout ça et elle gère les services très bien. Elle s'occupe de la confection pour les enfants. Donc les habits sur mesure pour les petits bourgeois. Donc c'est une description terrible. À un moment notamment, il y a une phrase de Zola qui m'a marqué. Il décrit le système en disant que cette ambition-là, le fait qu'ils se tuent entre eux, les vendeurs, qu'ils se prennent leur place à coups de complot pour faire licencier un tel ou un tel, que c'était affreux, mais que ça faisait partie du jeu et même que c'était la base du système. Comment mieux dire, notre système à nous, où on fait semblant de croire que non, non, tout va bien, on peut faire tout ça tout en ayant un bon état d'esprit. Bah voyons. C'est un peu. Dans certaines chansons de rock, on dit que Every winner means a loser in the Western dreams. Chaque gagnant signifie un perdant dans les rêves occidentaux. Ouais, bah c'est exactement ça. Donc, Donc, elle se refuse toujours à lui, et même tout le monde parle de dire, ben voilà, en fait, elle est très maligne. Elle a compris que si elle voulait avoir quelque chose, il fallait qu'elle dise non. Du coup, elle se refuse à lui, et tout le monde pense qu'elle est tellement maligne que c'est pour que Mouret l'épouse. Alors qu'elle, non, elle est pure de A à Z, c'est un ange, donc non. Donc Mouret. Et puis Mouret, il veut pas se l'avouer. Mais il souffre depuis tant de temps, là, des années, là, je crois, maintenant. Enfin, des mois et des mois. Donc il finit par accepter l'idée, finalement. Dans sa tête, l'idée progresse, que finalement, il devrait lui proposer de l'épouser. Un jour, il lui demande même, mais vous aimez quelqu'un d'autre? Vous aimez quelqu'un? Elle dit, oui, j'aime quelqu'un. Mais elle lui dit pas que c'est lui. Bon, donc ça aussi, ça le terrifie, parce que de temps en temps, il dit, puis si ça se trouve, elle pourrait encore refuser, même si je lui proposais de l'épouser. Donc, au départ, ça suffit pour repousser l'idée, ensuite, non. Bon. Elle devient de plus en plus perturbée, parce qu'elle est gênée par le fait que tout le monde dit, dans son dos ou autour d'elle, elle entend bruisser toujours les mêmes idées, en disant qu'elle est manipulatrice, qu'elle sait très bien mener sa barre pour se faire épouser, etc. Donc ça la dérange. Et pourtant, dans le même temps, tous les employés au départ, c'était par calcul qu'il lui montrait du respect, voire de la gentillesse. Mais après, elle a forcé l'admiration de tous, parce que elle est douée, elle est pure, elle est efficace. C'est-à-dire qu'elle avait des grands. Elle a toujours. Ah, c'est compliqué ça aussi. Elle est toujours. Comment dirais-je? Elle est vraiment le cul entre deux chaises, n'est-ce pas? Elle est prise en fait entre la conscience aiguë que l'avenir, c'est ce type de commerce. Que rien ne pourra en être autrement parce que le consommateur est gagnant. Et donc c'est inexorable. Paf. Donc ça c'est terrible. Le consommateur, je dirais oui, à court terme. Bon, enfin, parce qu'au bout d'un certain temps, chaque consommateur est aussi un producteur. Mais enfin bon. Donc pour elle, c'est inévitable. Et dans le même temps, elle est consciente que ce merveilleux succès du bonheur des dames se fait sur les cadavres de tout le petit commerce. Et ça lui fait beaucoup de peine. Et ça, c'est des questions philosophiques. Elle se dit, mais alors, finalement, est-ce que tout doit. Est-ce que tout ce qui se construit se fait sur le cadavre des autres? Est-ce que c'est ça le. Donc voilà, ça, c'est vraiment la grande interrogation. Et on sent que. Hein, every winner means a loser in the Western Dreams. Donc, on peut même enlever Western Dreams d'ailleurs. Donc, elle est en plein là-dedans. Mais bon, seulement elle a des idées. Et du coup, elle modernise le magasin. Elle a des idées sociales. C'est un peu une sociale libérale, on va dire. Et oui, c'est un peu ça. Parce qu'elle propose des tas d'améliorations pour les gens. Je sais pas. Elle propose des trucs incroyables. Alors, je sais plus, mais des facilités pour les employés pour faire du sport, des choses comme ça, enfin des tas de plus sur le plan social. Un orchestre même du grand magasin, à la fin il y a 3000 salariés, au départ il y en avait 600. Donc, ouais, voilà, donc c'est un peu ça le système. Donc, elle est quand même adulée, et ça c'est assez impressionnant. Donc, elle se refuse toujours. Et bon, voilà, je crois que je vais arriver au dénouement, hein, au dénouement. Alors le dénouement, c'est que donc elle veut partir parce qu'elle sent que tout le monde se méprend sur elle. Bon, Mouret avait tenté le coup de force aussi en la menaçant, puis elle avait dit bon bah si vous pensez ça de moi, je m'en vais. Enfin bon, et puis il lui dit non non non, restez. Bref, elle sent qu'elle peut plus tenir, ça devient intenable pour elle. Et comme elle est pas du genre à transiger, eh bien elle dit, bon ben moi je vais partir. Et elle a prévenu Mouret qu'elle allait partir à Valognes pour se reposer, au moins un mois, mais ensuite elle reviendrait pas, quoi. Enfin, pas au bonheur des dames. Alors Mouret, il est au 36e dessous, hein, de tous ces millions qui lui servent à rien. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. C'est un peu romantique aussi de la part de Zola, le grand homme d'affaires qui comprend que ces millions lui servent à rien si la femme qu'il aime se refuse à lui. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est répété plein de fois. Ensuite, il a fait venir dans son bureau, c'est la veille du départ, c'est terrible, c'est le moment de vérité. Et là, elle lui dit, ben, enfin, il tente tout, quoi. Il tente un peu. Au départ, il essaye d'être froid, puis bien sûr, il n'y arrive pas. Après, il lui dit de revenir. Et puis elle veut pas. Donc, enfin, et puis pour finir, il est au comble du désespoir et il finit par lui hurler. Mais alors, ben, va-t'en retrouver celui que tu aimes, hein, puisque c'est bien ça. Hein, tu vas retrouver l'homme que tu aimes. Et elle, devant la douleur et les larmes de Mouret qui dit une contre-vérité, elle ne peut pas laisser dire ça. Et donc là, elle se perd dans ses bras à lui en lui disant: mais non, c'est vous que j'aime. Et là, il la serre contre son. Il est complètement estomaqué, il tombe assis sur sa table où il venait de gagner 1 million en une journée, où il y avait 1 million en or, en argent, en billets qui étaient là. Il tombe assis sur cette table avec elle dans ses bras et il dit: bah, ok, tu iras à Valognes. Parce qu'il avait bien senti qu'ensuite elle aurait l'air de quoi, elle, vis-à-vis des autres, si elle disait oui comme ça. Donc, la finesse galante, elle lui dit: bon, tu vas à Valognes, va un mois te reposer et après j'irai te chercher moi-même et je te ramènerai et tu reviendras ici, toute puissante. Voilà. C'est beau, j'ai pleuré, c'est très beau. Bon, voilà, donc c'est ouf, c'est une bien meilleure fin que celle de Germinal. Ça fait du bien. Voilà, donc c'est au bonheur des dames de Zola. Un très beau livre qui annonce exactement ce qui allait se passer. C'est marrant. Enfin, voilà. Pourtant, ça a été écrit dans les années 80, 1880. Donc ça date quand même. Voilà.